Chers auditeurs, d'ici vous parle le podcast Au Créateur. Et toutes les semaines, je citerai un poste qui aura la duration de toute la semaine. Le poste de cette semaine s'appelle La base de la création de l'homme, que je passerai à citer. Dieu a commencé à créer l'homme par les pieds et montant jusqu'à la tête. Cette expression-ci, qui par sa curiosité nous mène à penser que si nous pouvons considérer les pieds la base de la verticalité de l'homme et la conséquence de tout développement du cerveau, selon la théorie de la verticalité, et aussi dans la base de la révolution humaine, un rapport à son milieu ambiant. L'homme crée au dessin l'image de l'homme en partant de la tête, en descendant jusqu'aux pieds, et c'est ici que l'homme se distingue de la création de l'homme, perpétrée par Dieu. L'homme commence à dessiner par la tête, et descend jusqu'aux pieds parce que l'homme descend à la terre, mais Dieu commence à dessiner par les pieds jusqu'à la tête parce que l'homme monte au ciel après sa mort pour la terre. C'est la distinction aussi de l'homme en rapport à Dieu, c'est le talon d'Achille, celui qui a déjà commencé au départ en désavantage dans ses propos. La raison de l'homme de jamais savoir trouver, c'est parce que jamais se sous-trouver, parce qu'il n'a jamais tiré parti juste des capacités que Dieu lui a données. L'homme, en son parcours, n'a jamais trouvé le chemin juste, parce qu'il n'y a pas dans la terre un chemin parfait. La divergence du chemin de l'homme en rapport au chemin de Dieu a détourné et renversé le chemin de l'homme et conséquemment amené à la perdition temporaire de l'homme. Et c'est la fin du poste de 26 juin 2016. Vous pouvez visiter aussi les deux blogs que j'ai, un dans le blogger intitulé Au Créateur Éterno, écrit en français aussi, et d'autres dans le Facebook intitulé Au Créateur Éterno et au Verbe, écrit en français également. Et maintenant, je vous laisse avec musique classique dans laquelle vous irez écouter Dvorak Smetana, symphonie number 9. Femme de New World, Di Moldo, opus 72, numéro 1.